Petit, tu vois ça? C'est quand on est prisonnier de sa colère, c'est l'exemple typique. Eh, ma poule. Vous voyez la peur s'exprimer? Ce garçon a une peur mortelle de la vérité. Petit, ça me brise le cœur de te dire ça. Mais je pense que tu es un jeune homme très perturbé et que tu es très désorienté. Encore un type qui a d'appétit, c'est pas le Brésil, mais normal t'apprécier, rap agressif, mon son est sur écoute, c'est pour ça que ça grésille. Pour les gars bien qui bougent en 4 pépins, même si c'est pas les miens, ça paraît bien, on calcule pas les timbres, donc on roule par éteint. Sur un de mes plus beaux beats, je fais mal au bide, au stylo pic, c'est du go trip, c'est du gros titre, les îlotiers, j'ai plus nos titres. Jeunesse anti-cop, casseur d'anti-pop et videur de marqueur, gros flow dans un petit corps comme Spider-Man dans Peter Parker. Laisse tourner un riddim, c'est TSR, tu ris sur la rythmique, j'ai la rime flûte, ça fait 10 piges que je rappe, mais je reste un arriviste. Pas du gossentisme, les putes s'enfilent, moi j'carbure au centime. Encore une plaque de sang, plus en 10, délire hugocentrique. Délire hugocentrique. Trop rare, son kit bousille. Mon rap, ferme la boutique. Tu pars, ferme ta bouche, j'ai trop tard, c'est du gauterie. Trop rare, son kit bousille. Mon rap, ferme la boutique. Tu pars, ferme ta bouche, j'ai trop tard, c'est du gauterie. J'ai plus envie de rester, j'ai la face de citron. Qu'ils ont envie de presser, envie de blesser. Je veux pas finir baisé, façon Elvis Presley. Triste époque, tu es deviens fashion. Et Bicraft c'est funky, maintenant tous les jeunes deal. 2011, c'est pas les 70s. Dans ton rap, j'suis le front, pas un bon bar. Elles sont barres dans le 18, on bombarde. Pour ça que c'est le numéro des pompes. Pleure pas de pompage, mode combat. On bat comme tous les grands de ma rue. J'veux devenir une légende, alors j't'échange. Je m'en fous de tes gens talus, c'est chaud comme à Dubaï. Regarde en bas, c'est la douche barre. Des bruits de bouche et des coups de chlasse pour les bourgeois, c'est la douche froide. Si tu fais pas la dip, sors de la partie, t'es pas rapide. La grande porte était mes fers, avec mes frères, je suis rentré par la vie. Trop rare, son kit bousille. Mon rap, ferme la boutique. Tu pars, ferme ta bouche, j'ai trop tard, c'est du gauterie. Trop rare, son kit bousille. Mon rap, ferme la boutique. Tu pars, ferme ta bouche, j'ai trop tard, c'est du gauterie. Le gauterie, le gauterie. Soldat comme dans 300, la pizza froide à la place du croissant. J'ai du talent, t'enfiles un écouteur, t'as déjà perdu 3 dents. Rime plus violente qu'une corrida, et si on se nourrit de ça, c'est pas grave si t'as pas le visage. Vais tellement loin que t'attrapes la tourista, la bombage. 6 ans plus tard, je vais toujours pas grandir, l'étendard brûle encore. Un saut dans le vide, c'est ma hantise, cendrier plein et stylo vide. Tu crois savoir, bah écoute les nouvelles. Trop de mots têtes, toujours le cul fermé, les oreilles ouvertes. Sélection naturelle, entre la dirty sous et les vrais beats. Jeune du 18, j'suis de la génération shit et Greg Street. Des jeux brouillés, j'suis sur le trône, roi sans basse-cour. J'suis jamais au point mort, et toute façon. Je pisse dans la soupe, de toute façon je pisse dans la soupe, de toute façon je pisse dans la soupe. Trop rare, son kit bousille. Mon rap, ferme la boutique. Tu pars, ferme ta bouche, j'ai trop tard, c'est du gauterie. Trop rare, son kit bousille. Mon rap, ferme la boutique. Tu pars, ferme ta bouche, j'ai trop tard, c'est du gauterie.